Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. انتهينا في درسنا الأخير من الفصل الثالث في شروط النكاح. On avait lu des مسائل par rapport au wali. واليوم نقرأ الفصل الرابع إن شاء الله. قال رحمه الله الفصل الرابع في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها. Après avoir démontré les conditions, وبعض العلماء زاد شاهدين دو تيموان. في هذا الفصل رحمه الله يمونتر لي صفات اي لي كاركتيرستيك دو لا فام كيل فو دوموندي ان مارياج لا فام كيل فو ايبوزي وهكذا لي كاركتيرستيك دو لوم كو لا فام ال دو اكسبتي لان لوم يوا فير لا دوموند اي لا فام كما تقدم معنا ال اكسبت او ال ريفوز فاللوم يدو دوموندي à une femme qui a des caractéristiques spécifiques, al-mar'atu salihah, et la femme, كذلك, elle doit accepter al-rajul salih. Ça nous montre qu'on ne demande pas la main de n'importe qui, et كذلك, la femme, elle n'accepte pas n'importe qui. لماذا لأن al-amr, c'est quelque chose de très très important, zawaj, wa-zawaj al-niyya, c'est que c'est pour la vie, illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala, que ça s'arrête bimout ou bitalaq ou illa al-asl, c'est que c'est pour durer. Wa ta'lamun anna vivre avec une personne layl wa nahar dans le même bayt, si cette personne elle est pas comme toi et elle a pas un bon comportement et elle ne patiente pas sur certaines choses, enfin c'est très très difficile. Az-zawaj c'est pas pour une courte durée. Là, الزواج c'est pour la vie. الإنسان يفعل très très attention. C'est une décision très très importante. لهذا قال العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه كما في شريط آداب النكاح: أمر مهم أن يختار الرجل المرأة الصالحة من أجل أن تساعده على دينه ودنياه. C'est très très important de choisir une femme pieuse. Et que d'ailleurs, la femme qu'elle choisisse un homme pieux, les mains là, min ajli, al-musa'ada al-dunya wa al-akhira. Pour s'entraider tout ce qui est lié au din, et que d'ailleurs, fait dunya. Le couple, il va être exposé à plusieurs choses, des épreuves, des hauts, des bas. Celui qui a choisi une épouse saliha, inshallah, ça sera beaucoup plus facile. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله النكاح يراد للاستمتاع وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم كما قلنا فيما سبق تقدم معنا أي لبيت دو مارياج أنه bien sûr c'est pour appliquer سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك l'homme et la femme ils ont été créés avec une شهوة فpour éviter de tomber dans le haram الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج كذلك c'est pour fonder une famille كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية الأنبياء tout ça c'est من مقاصد الزواج قال وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين وهي التي اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي أي si tu as compris هذا أن المرأة tu vas te marier avec cette femme pour ton din et كذلك pour ne pas tomber dans le haram. Donc, هذه المرأة, il faut qu'elle ait ces deux caractéristiques. جمال حسي وجمال معنوي. Et il va expliquer c'est quoi le جمال حسي والمعنوي. قال فالجمال الحسي كمال الخلقة. لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها وأصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب وينشرح لها الصدر هذا الجمال c'est la beauté en apparence et la beauté بالكلام et هذا c'est très très important لأن الرجل إذا ارتاح il accepte de se marier avec cette femme لأنها تعجبه فصار facilité beaucoup de choses. قال الشيخ ابن عثيمين وتسكن إليها النفس ويتحقق فيها قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن si cette femme elle plaît à cet homme, ça sera beaucoup plus simple. Une des raisons c'est la beauté. الجمال الحسي. قال والجمال المعنوي كمال الدين والخلق. La deuxième catégorie, الجمال المعنوي, la beauté, لكن dans le comportement, dans l'aqida, dans le din. أما la première beauté, c'est l'apparence. قال شيخ ابن عثيمين فكلما كانت المرأة أديا وأكمل خلقا كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة. كلما cette femme aura un bon comportement, elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, à son mari, elle a un bon comportement, elle fait des efforts, fait l'ilm, la shakana hadha rajul as-salih, ça sera beaucoup plus facile pour lui de créer des liens, de patienter et d'avancer. Qala fal mar'atu dhat ad-din qa'imatun bi amri Allah hafizatun li huquqi zawjiha wa firashihi wa awladihi wa malih. Cette femme qui fait attention à son din, qui fait des efforts fi din, فكما قال شيخ العثيمين قائمة بأمر الله, elle fera autant que possible les adorations et elle s'écartera des interdits. حافظة لحقوق زوجها, elle donnera chacun son حق, à son mari elle donnera son حق, حق الطاعة, l'obéissance إلى آخره, elle donnera حقوق à ses enfants, elle donnera حقوق au mari de la famille de son mari, elle donnera حقوق aux voisins إلى آخره. لماذا؟ لأن cette femme est في الكتاب والسنة والكتاب والسنة فيه فيه إثبات جميع الحقوق. Chacun a ses droits. قال وفراشه وأولاده وماله. هكذا ça sera une personne de confiance cette femme. فلا تخون زوجها, que ce soit الخيانة عياذا بالله, الزنا, le trompe, أو خيانة المال, elle lui vole son argent, elle le trompe dans beaucoup de choses. هذه المرأة سمينة أبعد الناس عن ذلك. فلهذا cet homme يرتاح, il sort, il est فرحة. لماذا؟ لأنه il sait que cette femme qu'il a laissée في البيت, elle a de la أمانة, c'est une personne de confiance. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وفقها. كذلك quand il rentre في البيت, il est فرحة. قال معينة له على طاعة الله تعالى. quand il a des faiblesses cet homme, فهذه المرأة تعينه, elle l'aide. Contrairement à d'autres qui enfoncent, qui se moquent, qui espèrent que cet homme églisse. Hakada l'inverse, l'homme avec la femme. Pardon, mais il espère que cette femme, elle fait kada, hatta il se moque, hatta rubbama il l'humilie. Hada la la yimbari. Ça, c'est pas min sifat as-salihin. Min sifat as-salihin, c'est ta'awun. Wa ta'awunu ala al-birri wa al-taqwa. Qala in nasiya dhakaratuhu. Ça arrive. S'il oublie, elle lui rappelle. Amma al-ba'd, iyadun billah, rubbama hadha ar-rajul il oublie une chose, fa takfur bi jami' al-ma'ruf. Et ça, c'est min sifat ghayr as-salihat. كفر العشير, كفران العشير. قال وإن تثاقل نشطته. S'il arrive un jour أنه il est paresseux, il manque de motivation, elle le motive. قال وإن غضب أرضته. S'il s'énerve, elle fait tout pour le satisfaire لله عز وجل. Vous avez remarqué que هذه المرأة, tout ce qu'elle fait c'est لله. Elle n'essaie pas de se venger, elle n'essaie pas d'avoir le dessus là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une place à la femme. الرجال قوامون على النساء. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les hommes. C'est pour ça que la femme, elle doit obéir à l'homme. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لو أمرت أحدا يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ordonné à quelqu'un de se prosterner pour un autre, à une créature, il aurait ordonné la femme de se prosterner à son mari. Ça montre en Allah subhanahu wa ta'ala rafa ar-rijal. Hadhihi al-mar'a elle accepte. Limada? Ta'atan lillah. Pas comme certaines fasiqat qui se sont ta'atharna bil-gharb et elles appellent à l'égalité, elles n'ont pas de droit. c'est pas mal connaissent pas le kitab ou sunnah. Amma al-mar'a as-saliha fa tarda bi hadha al-hal. Et c'est sa place, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette place. Elle fait tout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'entraînant avec son mari, en obéissant à son mari. L'imad ali anna, le but de cette femme, c'est le jannah. Le tariq al-jannah, c'est hada. Tariq al-jannah, c'est hada. Enfin, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé anna al-mur'a, si elle fait ses cinq salawat, elle fait le siyam. Il a akhiré. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وأطاعت زوجها لوبيا صومغي دخلت الجنة من أي أبواب شاءت par n'importe quelle porte, c'est elle qui choisit. C'est ça le but de cette femme صالحة. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité الجمال الحسي والمعنوي. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع. La femme, l'homme, il la demande en mariage pour quatre choses en général. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. إما pour son argent. إما حسبها. Et son rang, son statut, sa famille, la akhiré. إما لجمالها, sa beauté. إما لدينها, pour son dîn. C'est quatre choses. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. الحديث اللي في الصحيحين متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a démontré ces quatre choses, il nous a conseillé choisir celle qui a du din. لماذا؟ لأن celle qui a du din, même si elle a un manque d'argent, فستصبر معك. Même si elle vient pas d'une famille de tel rang, de tel qabila, de telle tribu, inshallah, tu verras que du bien. Même si elle a un naqs fil jamal, dans la beauté, ses œuvres, elles vont l'embellir. Qala al-imam ibn Baz, rahimahullah, alayka bi dhati al-din, alayka bil mar'ati al-saliha al-ma'roufa bil akhlaq al-tayyiba. Cheikh ibn Baz, il explique hada al-hadith, rahmatullah alayhi, et conseille aux hommes de choisir sa future épouse par rapport au din. قال المعروفة بالأخلاق الطيبة. Et que cette femme elle soit connue d'avoir un bon comportement. لماذا؟ لأن elle sera souvent معك. Et si elle a un mauvais comportement, c'est تتعب. Ça sera très très difficile. هذا الإنسان يركز على هذا. Il se renseigne sur الأخلاق. قال المعروفة بالأخلاق الطيبة بالصلاة بالعفاف وطيب الكلام وحسن قوله بالصلاة أي بيان سور في الصلاة بل على العناية بالصلاة في الصلاة إلى آخره والعفاف كذلك c'est une femme qui a de la pudeur et elle porte le hijab, elle se mélange pas aux hommes. كذلك لا تحب الخروج. Mais une femme qui aime sortir, qui veut toujours sortir, ça t'étonne. لأن المرأة a beaucoup de choses à faire في البيت خاصة quand il y a des enfants et elle a le droit de sortir لكن des ضوابط sous certaines conditions, dans certains endroits, de temps en temps, ma'azawjiha, si c'est un endroit où il y a de la fitna, et alhamdulillah, ma wahida, elle aime sortir et elle veut sortir, c'est t'étonne. Un jour, Obama sort sans ton autorisation, ou elle te demande souvent, et dès que tu dis non, elle n'accepte pas, et ça fait des problèmes. Qala, wa husn, na'am, as-sura aydan. لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة إلى ستة لجمالها كذلك حسن الصورة que cette femme elle te plaise. قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال فنوصيك بالمرأة المعروفة بالاستقامة بالصلاة في وقتها إلى آخره. قال إذا تيسر مع هذا الجمال والنسب الحسن والمال هذا خير إلى خير. Mais celui ولله الحمد il trouve une femme et il a des conditions bien sûr من حيث الدين qu'elle fasse des efforts dans son din في العلم qu'elle aime le ilm la akhira et si en plus elle a de l'argent et Allah subhanahu wa ta'ala razaqaha jamalan ila akhira falhamdulillah. قال الامام ابن قدامه المقدسي رحمه الله ويختار الجميله لانها اسكن لنفسه واغض لبصره واكمل لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح. Ça c'est important. Les anna, par rapport à la beauté, tu trouves Ifrat wa tafrit. Tu trouves des extrêmes. Ra'aduhum, leur principale condition, c'est hada. Et Obama, ils oublient le côté du comportement, du din, la famille. Et ça, c'est une grave erreur. Les malades, la beauté, ça peut partir. Et la beauté, ça peut rester là, avec le mauvais comportement. Wallahi, tu ne vois plus la beauté. Ra'aduhum, c'est un autre extrême. Ra'aduhum, Obama, ils ne donnent pas d'importance à hada. Et peut-être que même voir, il ne voit pas l'importance de voir sa femme avant. Et hada là. L'homme, c'est un homme, c'est un être humain. Si sa femme, elle lui plaît, donc, nous, le juste milieu. On néglige pas ce point, et qu'adalé qu'on ne le met pas, c'est le point central de la relation. Le jour où il y a un problème dans ce point, ça fera beaucoup de mal à l'homme. Et la femme, Obama, avec l'âge, si elle a des enfants, Obama, son corps échange, il a akhir. Enfin, celui qui pense qu'à cela, et le mariage c'est que pour cela, avec le temps il se fera beaucoup de mal. Et ça c'est important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autorisé de voir la femme avant de se marier. Et est-ce qu'elle te plaît, amla? كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم Est-ce que tu l'as vu? قال رضي الله عنه لا إلى جل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها أي va la voir avant de te marier. الحديث اللي في صحيح مسلم. Ça nous montre أن négliger ce point c'est un خطأ. Et exagérer comme certains c'est un خطأ. Al-Ba'd, ils veulent une femme qui n'a pas de défaut physiquement. Là, on répète, comme on a dit dans le dors précédent, on les fait tenir. Là, chacun, la femme, elle aura des qualités, elle aura des défauts. Hakadha l'homme. Lakin, l'essentiel, c'est de savoir pourquoi tu te maries. Qala Cheikh Sa'di, rahimahullah, kama fi bahjat qulub al-abra, fa idha hasala ma'ad-din ghayruhu, fa dhaak, wa illa fad-din a'zam al-sifat al-maqsouda. Cheikh Sa'di Rahimallah parle, si cette femme que tu veux épouser avec le din, elle a la beauté, alhamdulillah, nour ala nour. Lakin, il a précisé, anna, la principale raison, avant, en sifat al-maqsouda, c'est din. Qala Cheikh Nadhimin Rahimallah, wa thiq annaka idha lazimta hadhihi alwasiya min ansah alkhalq lak fa innahu rubbama tataqallab hadhihi almar'a ad-diniyya wa in kanat qalilata aljamal tataqallab fa takun fi 'aynik ajmal an-nisa. Hadha alkalam li jamil shoum thaymin idi. Si tu suis ce conseil, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fadhfar bi dhat ad-din taribat yadak, et choisis celle qui a du din si tu veux réussir. Si on choisit, on suit le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait notre bien, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cette parole. Fashir Mu'azimin, rahimahullah, qala, si tu te maries pour Adam, même si cette femme, Obama, elle n'a pas autant de beauté qu'une autre, lakin, indak, ça sera min ajmal al-nisa. Pour toi, ça sera la plus belle des femmes. Limada, liana, tu seras en paix ma'aha, tu avanceras dans ton din ma'aha. La beauté, c'est pas que le physique. Là, la beauté, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est le physique et كذلك الاعمال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولاحظوا ان الجمال ليس كل شيء. Cheikh Ibn Uthaymeen, il fait un temps, on a dit attention, ne pensez pas que la beauté c'est tout. Il y a que ça dans le mariage. قال احيانا تكون مرأة جميلة ولكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة. وهذا صحيح. أحيانا المرأة الجميلة اللي كونو بالجمال dans sa famille il a akhiré, c'est connu que c'est une femme jamila. تتزوج avec un rajoul lakin elle a un mauvais comportement, elle a un ضعف في الدين, elle fait beaucoup de problèmes, elle n'obéit pas il a akhiré. Si tu demandes à cet homme, il peut plus la regarder, ويكره, et ربما ça finit en divorce. Pourtant c'est من أجمل النساء. Ça nous montre que ça suffit pas, c'est pas ça l'essentiel. Et on répète, ne pas négliger. L'homme, il lui faut un minimum, mais ne pas se baser que sur cela. Parfois, قال فإذا أخذ بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة. Celui qui suit le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et choisit din, bien sûr sans négliger la beauté, lakin sans exagérer comme certains, أنهم ربما المرأة أنام العلم. Et elle fait des efforts pour le din, et elle reste à la maison, et elle veut obéir, elle veut se déplacer dans les pays musulmans, il a akhiré. Lakin, pour cet homme, elle n'est pas jamila, warubama, il la refuse. Thumma une deuxième, il refuse. Thumma une troisième. Et ça devient une fitna. Là, la ifrat wa la tafrit. Et à la moune, on le répète, en al-mar'a, avec le temps, ça change, warubama tubtala bi marad. Ça reste ta femme. Et elle tombe malade. Ah, ou il lui arrive quelque chose, un accident, et elle perd de sa beauté. Ça veut dire que khalas, ça sera plus ta femme là. Va bien mettre les choses à leur place. Les priorités, c'est les priorités. Les choses que l'insan, il a besoin. Ou l'essentiel, tawakkul ala Allah, et ne pas se précipiter. Ce chapitre, il est muhim, on le finira dans le dars prochain. Anna dhahab al waqt. Lakin, ne pas se précipiter. Se renseigner. Anna ces choses, fil haqiqa. Au départ, c'est que de la théorie. Tu n'as pas vécu avec cette femme, tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas. Si tu te renseignes mal, farubama, ils te disent, na'am, allez kada, et ce n'est pas savable. Fihad al-bab, avant de s'engager, il y en a le mariage, c'est un engagement. L'insan yataharra, il se renseigne. Et hakada qalilan, hatta insha'Allah yartah, et yatazawwaj wa yakun khayr. Et kadalik l'insan, il doit savoir, grâce à ceux qui ne sont pas encore mariés, le mariage a des hauts et des bas. Il y en a un couple, c'est un homme et une femme. Voilà, chaque année, c'est l'homme qui faiblit, c'est la femme. Et, alhamdulillah, tout se règle. Chaque chose, elle a un bab. Il faut l'ouvrir le bab, faqat. Et, alhamdulillah. Qala, rahimahullah, wal mar'atu, al aribatu. أي العاقلة المرأة qui connaît le khayr, المرأة qui veut son bien pour elle et pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, إلى آخره, تتودد إلى زوجها وتحترمه. Elle fait tout pour plaire à son mari, bien sûr في ما أحل الله سبحانه وتعالى, أما في ما حرم الله فلا يجوز طاعته, لأن بعض الرجال ربما يدمون على الفم de faire des choses حرام لأنهم ça leur plaît, ils sont éprouvés par une chose, عياذا بالله, et demande à leur femme de faire cette chose alors qu'elle est حرام. ففي هذا الحال المرأة القريبة العاقلة لا يجوز طاعة هذا الزوج, بل elle le conseille et elle lui montre qu'elle n'a pas le droit de désobéir à Allah سبحانه وتعالى pour le satisfaire هو. وهذا الرجل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. هذه المرأة سي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هي لا بالدوال لي امبوزي ا فير دو حرام. قال وتحترمه. هذا سي مهم. Quand il y a l'احترام dans un couple, en fait c'est pas que dans un couple. حتى avec les enfants, حتى avec les proches, حتى avec les amis, حتى avec les voisins. Quand il y a l'احترام فيحصل خير كثير. Et quand il y a plus d'احترام, ça pousse à des choses très très graves. Wal-mar'a, elle doit, al-ihtiram, c'est le respect, on peut traduire on a par le respect, elle doit respecter son mari, que ça soit dans sa façon d'agir, que ça soit fil qawl, que ça soit quand il lui donne un ordre. Al-ihtiram, c'est muhim, limada, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun des droits, et on doit respecter l'autre, khassatan, quand hadha zawj, il veut, ou il appelle sa femme à faire une ta'a, elle doit le respecter et elle doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son mari tant qu'il ne l'appelle pas à faire du haram. قال ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه. Si son mari l'aime telle chose, elle doit faire les efforts pour faire cette chose. ولا تتأخر. التأخر c'est et ne pas accomplir cette chose rapidement. Et bien sûr, هذا c'est على قدر الاستطاعة. لكن كلما هذه المرأة fait des efforts pour satisfaire son mari dans telle chose qu'il aime, on répète tant que c'est pas du haram, هذا في خير. Et ça va renforcer les liens et ce couple, ils vivront بإذن الله عز وجل حياة طيبة. قال ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه. Kadhalik, les choses que le mari, il n'aime pas que sa femme elle fasse, enfin, elle n'a pas à les faire. L'imadaliana, ça va faire de la tension, ça va créer de la tension, et rubama, ça va rendre malade les cœurs, ou yahsul des choses, ma hiya tayyiba, ni pour l'homme, ni pour la femme. Hada, ce passage, il nous montre un هذا الرجل وهذه المرأة sont في نعمة عظيمة. Ils doivent tout faire pour la préserver. Et pour la préserver, لابد من الاحترام ولابد من الطاعة. Deux choses. الاحترام, le respect, والطاعة. L'ihtiram, ça va dans les deux sens. L'homme, il doit respecter sa femme et la femme, elle doit respecter l'homme. الطاعة, c'est حق للزوج. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné هذا الحق, et la femme, elle doit se soumettre. Pas à son mari, elle se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à son mari. قال شيخ العثيمين ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير. Ils ont posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qui la meilleure des femmes. Ce n'est pas une femme en particulier, là c'est une catégorie. أي الكاركترستيك. فقال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. التي تسره إذا نظر, ça montre أن هذه المرأة doit faire des efforts, حتى si son mari il la regarde, fatasurru. Asurur, c'est être heureux. Enfin, ce mari, s'il voit sa femme, yartah. Ça nous montre un almor, elle doit donner de l'importance à hada. Ne pas faire comme certaines rubama qui ne donnent pas d'importance à hada, et elles pensent qu'il n'y a pas de, il n'y a pas une grande importance pour le mari, là. Kullama almor, elle prend soin d'elle. Que ça soit ses cheveux ou son haleine ou son odeur, il a akhiri hadi al-abwab al-muhimma. هذا لا شك أن الرجل سيرتاح أكثر. وهكذا الرجل يفاد زفاف في النظافة إلى آخره. لكن تعلمون أن باب الزينة تسكيلي على بوتي, فلا فما لا encore plus concerné que le mari, ولا شك. مع هذا le mari كذلك يفاد زفاف. Et celui qui suit la sunna ولله الحمد, il fera des efforts. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré cinq choses, ils font partie de la fitra. Parmi ces choses, se couper les ongles, se tailler la moustache, et la akhiri, s'épiler les parties intimes, tout ça c'est min al-nadhaf. Fal-insani ya'tani bihada wal-mar'a akthar tatazayyan li zawjiha. Al-rajul, s'il est marié qu'avec une femme, ou deux, ou trois, al-muhim, al-rajul, il a le droit de regarder cette femme. Faqat. Et son épouse, il n'a pas besoin de regarder les autres. Enfin, si cette épouse, elle ne fait pas des efforts, ou هذا الرجل, il peut regarder qu'elle, فربما يشق على هذا الرجل. خاصةً s'il vit dans un endroit de fitan, ربما يخرج. Et dans ce مجتمع qui vit, il y a beaucoup de فاسقات qui sortent parfumées, embellées, إلى آخر. إذا دخل في بيته هو, il doit profiter de ces choses, لكن في الحلال. وكم من النساء ne font pas attention à هذا, et ça provoque du mal. قال عليه الصلاة والسلام وتطيعه إذا أمر. هذا c'est مهم, et inshallah on essaiera de détailler قليلا ما يتعلق بالطاعة, l'obéissance, après avoir fini la lecture. قال ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. اي نعم, أنه elle préserve ses biens إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء أو قال الأمم. قال في الحاشية رواه أبو داود والنسائي, والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وغيره. الحديث هذا للصحيح. تزوجوا الودود الولود. الودود, شيخ العثيمين, vous avez compris لماذا il cite ces أدلة. Léana, on est dans le chapitre Al-Mar'atu, Allati yanbaghi nikahuha, et la femme qu'on doit rechercher en tant qu'épouse. Léana, elle a cité le premier hadith, Allati tasurruhu fi idha nadhar ila akhi, wa tuti'uhu fi ma amar. Thumma, il a cité ce deuxième hadith pour démontrer أن من صفات هذه المرأة قال تزوج الودود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرأة يعني كثير المودة. الودود ça vient du mot مودة, ça ressemble à المحبة. Et le mot محبة vous connaissez tous, ولله الحمد. فقال الشيخ بعض النساء إذا دخل زوجها وصدره ضيق فعلت ما يوسع صدره حتى يسر ويزول عنه ضيق الصدر. هذه هي المرأة الودود. Elle fait tout pour faciliter à son mari. أي tellement qu'elle a de la محبة envers son mari, محبة bien sûr شرعية, sans dépasser les limites, elle fait tout pour faciliter à son mari. فإذا دخل زوجها قال شيخ ابن عثيمين, si son mari il rentre في بيتها, et dans le monde, le mari il est confronté à certaines choses d'horreur. S'il travaille, ou quand il sort, Obama, il a rencontré un tel, Obama, beaucoup de choses qui se passent en dehors du bait. Et ça arrive, كثيرا أن هذا الزوج يدخل البيت et صدره il est ضيق. هذه المرأة quand elle voit هذا, elle fait tout pour lui enlever هذا الضيق. Et sa poitrine elle est serrée, elle fait tout pour que son mari il soit reposé fil bait. فلهذا قال حتى يسر ويزول عنه الضيق الصدر. هذا الرجل quand il voit ce bon comportement, et il voit cette fraternité, et il voit tous ces sentiments, il a arrêté, فالحمد لله يرتاح. فلهذا une femme qui a un mauvais comportement et qui ne fait pas attention à ces choses et qui rajoute au problème de son mari d'autres problèmes, des choses qui n'ont aucune importance, mais elle a toujours des réclamations, elle ne veut pas se rabaisser, elle a toujours quelque chose à dire, peut-être que tellement qu'il a de la pression, tellement qu'il est fatigué, en dehors du bait il ne se repose pas, chez lui il ne se repose pas, هذا لا يصلح. فلهذا المرأة العاقلة في attention à هذه الأمور. قال الشيخ ابن عثيمين وبعض النساء إذا دخل زوجها وهو ضائق الصدر كتمت في وجهه فزادته بلاء وسوءا. C'est ce qu'on vient de citer. بعض النساء يدن بالله elle rajoute des problèmes sur des problèmes au lieu le minimum de se taire et d'essayer de, si elle ne peut pas l'aider elle lui rajoute pas. فعياذا بالله بعض النساء essayent de rajouter du char sur du char. هذا لا ينبغي, هذا لا ينبغي. المرأة elle doit aider l'homme et l'homme كذلك il doit aider la femme. Ce qu'on a cité نحن pour la femme, كذلك l'homme il doit faire des erreurs. لكن vu qu'on est dans le chapitre sur comment choisir sa femme et la akhirah, on cite des paroles de Cheikh ibn Uthaymeen في هذا الباب. وإلا فالرجل كذلك il doit faire des efforts. S'il trouve que sa femme a des moments de faiblesse, il a acré, il l'aide. Il l'aide et il fait tout pour ne pas rajouter des problèmes à ses problèmes. Wallahu al-musta'an. Qala al-walud. Deuxième sifa. Donc, tazawwajul wadud, ça vient de l'mahabba. Et cette femme, elle va avoir de la tendresse, des sentiments pour son mari. Elle va l'aider dans beaucoup de choses. Hadihiya al-wadud. Contrairement à celle qui a un mauvais comportement, de la dureté, de la précipitation, des jugements, elles essayent d'humilier leur mari, de prendre le dessus. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن والأشرار. Deuxième, الولود. الولود, vous connaissez le mot, ça vient de ولد. الولادة, enfantée, celle qui enfante beaucoup, qui a beaucoup d'enfants. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والبكر أما celle qui a déjà été mariée, enfin tu peux savoir est-ce qu'elle est ولود. مثلا elle a déjà été mariée, elle a déjà eu des enfants, enfin tu sais que cette femme ولله الحمد elle peut avoir des enfants. لكن on peut se poser la question في البكر, et la femme qui est vierge, comment savoir si elle est ولود, alors que النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الودود الودود الولود. قال شيخ ابن عثيمين والبكر غير معروفة بكثرة الولد في نفسها. أما la femme qui est بكر, qui n'a jamais été mariée, tu peux pas savoir est-ce qu'elle peut avoir beaucoup d'enfants أم لا. أي في نفسها en elle-même. قال ولكنها تعرف بكثرة الولادة بأقاربها. العلماء منهم شيخ ابن عثيمين démontre أن هذا tu peux le savoir en regardant les proches de cette femme. مثلا si elle a des sœurs, si elle a des tantes, il a أخره, si elles ont beaucoup d'enfants, falhamdulillah, en général, cette femme, elle sera comme ses proches. Amma, si sa mère, elle a eu que elle, c'est une fille unique, mathalan, et ses sœurs, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, il a agré, ça montre, elle aura du mal à avoir des enfants. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à se marier avec celles qui ont beaucoup d'enfants. Et celle qui n'a pas, qui est dans une famille, ils ont été éprouvés, ils n'ont pas beaucoup d'enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, yurzuquha un zawj. Elle fait un dua et inshallah, il est khayr. Ça nous montre à faire des enfants, avoir l'intention d'avoir beaucoup d'enfants. Walillahi alhamd, c'est un maqsad shar'i azim. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré à parmi les raisons pour lesquelles on se marie, c'est d'avoir des enfants. Et ça y a-t-il ma'ana, inshallah, il y a des risala, un bab sur ce point. Qala rahimahullah. فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر وجمال الباطن هذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله. Il a conclu ce chapitre أنه celui qui peut se marier avec une femme qui a les deux jamal, les deux beautés et l'apparence et كذلك la beauté du dîn et du comportement, هذا هو الكمال. هذا لا شك أنه c'est mieux que celui qui se marie avec une femme qui a un manque dans ses points. وَالسَّعَادَ كَذَلِكَ c'est une cause de bonheur. بِتَوْفِقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ On peut se poser la question, هُنَا, avant de détailler قَلِيلًا فِي الطَّاعَةِ, pour conclure ce chapitre, la beauté, في الحقيقة, tu peux le savoir avec une مَضْرَ الشَّرْعِيَ. لَكِن tout ce que Cheikh Ibn Uthaymeen vient de citer, les comportements إِلَى آخِرِهِ فَقَدْ يَقُلْ قَائِلْ كَيْفْ نَفْعَلْ. هذا سي سامبل سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة فقال السؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين demandez à أهل العلم أي ceux qui ont des connaissances que ce soit l'imam s'il est à la soutiqama, il connaît, ou un talib ilm, ou un alim, si l'insan il vit dans la vie d'un alim, il connaît cette famille, ou ahlul amana, des voisins de confiance, des proches de confiance, al-muhim, al-insan yas'al. Hatta, il aura des réponses, est-ce que hadhihi al-mar'a tasluh lah am la. Amma se précipiter, et regardez, comme taqaddam dans le premier dans que la beauté, et ne pas faire de recherche, khassatan à notre époque, hada c'est un khata. Comme minan nas tazawwaju wa nadimu. Ils ont regretté. Lana fil haqiqa, cette femme, elle n'était pas faite pour lui. Rubama, hatta fi, dans les priorités, mathalan, si huwa san rajul salih ibuddin, peut-être que cette femme, elle ne veut pas beaucoup de choses. Elle n'est pas prête à beaucoup de choses. Thumma, ça fait des problèmes. Amma, avec hadhihi tariqa, السؤال. Et on ne demande pas à n'importe qui. On ne demande pas à n'importe qui. Mathalan, l'ami de cette femme. Cette sœur, Mathalan, qui veut se marier, elle a une amie, et Bardoum, il demande à cette amie, elle ne peut pas dire certains défauts. L'imad, elle est anha, c'est son amie, elle veut qu'elle se marie. Enfin, beaucoup de choses, elle ne dira pas. Et c'est normal. À cause de son voix. On doit dire. S'il demande, Mathalan, si elle a des défauts, et elle sait que cet homme, il veut pas ces choses, elle lui dit, la kinkathir melanisa, elles ont pas le courage de dire, dit le mot. L'ayad al-insan, il regarde qui demander, il fait attention. Hatta, inshallah ta'ala, il a les réponses qu'il veut, thumma, il choisit. L'ayad, tant qu'il s'est pas marié, alhamdulillah, l'amr, il est wasi'. Si il se marie pas avec cette femme, Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuq li hadhihi al-mar'a un autre homme. Peut-être que cette femme, avec le temps, elle va s'améliorer, et un autre homme, il va la demander en mariage. Alhamdulillah, yahsul khayr. Et cet homme, peut-être qu'il demandera une autre, et il sera fi khayr. Amma se précipiter, ça emmène pas du khayr, en général. Ah, là, c'est important pour conclure ce chapitre. Donc, on a deux choses. Les deux points qu'il a cités, Ibn Ishir Ibn Uthaymeen. Les deux beautés, al-jamal al-zahir en apparence, la beauté de la femme, et la beauté de l'intérieur, le din, le comportement, il a. Enfin, la beauté de l'extérieur, bin nadrati shar'iyya, à ne pas négliger. Voir cette femme avant le mariage. Bien sûr, cette femme, elle est chez elle avec son wali, avec un de ses proches, et cet homme, il vient et il la regarde. si elle lui plaît, elle me l'a. Kadhalik, la deuxième chose, al-jamal al-batin, est l'intérieur, le comportement, le din, des choses que tu ne peux pas voir à vue d'œil, hada, tu demandes. Et donne la priorité au din et au comportement, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, sans négliger le premier point. On revient à ta'a, l'obéissance, c'est un point très très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de preuves dans le Coran ou dans la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ta'at al-zawj, l'obéissance au mari. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى dans ce verset قال الرجال قوامون. قوامون ça vient de القوامة. Et celui qui sera responsable, qui va s'occuper, qui va ordonner, c'est l'homme. فالمرأة elle est تحت رعاية هذا الزوج. Elle est sous sa responsabilité. فيجب عليها طاعته للمعروف. Elle est obligée de lui obéir في طاعة الله, dans l'obéissance bien sûr. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. رئيسها كبيرها والحاكم عليها. أي vous avez vu المنزلة العظيمة que الله سبحانه وتعالى il a donné à هذا الزوج. قال ومؤدبها إذا عوجت. Et c'est lui qui est responsable, et c'est lui qui doit bien sûr l'éduquer, la corriger si elle ne suit pas الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل فالصالحات قانتات. أي le deuxième verset d'Aïman min surat al-Nisa, la suite. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف يعني أي قوله قانتات. Tu as le mot فالصالحات أي les femmes pieuses. تقدم معنا l'explication de Cheikh ibn Uthaymeen. قانتات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف يعني مطيعات لأزواجهن. أي c'est les femmes qui obéissent à leur mari, كما جاء في تفسير ابن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité trois points: الصلاة والصيام وحفظ الفرج. Donc elle fait salat, les cinq salawat, elle jeûne le mois de Ramadan, wa kadhalik hifd farjaha aw farjaha, elle s'éloigne de zina, wa ata'at zawjaha, quatrième point, l'obéit à son mari, elle a une récompense azima. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qila laha udkhuli al-jannah min ay abwab al-jannati shi'ti. Ay la femme qui meurt ala hadha al-hal yawm al-qiyamah, il lui sera dit, rentre, choisis la porte par laquelle tu veux. Elle choisira par où rentrer. Ta'lamuna anna al-jannah, il y a plusieurs portes. Ni'matun 'azima. Al-mar'a tajtahid fi hadha, si elle fait des efforts fi hadha, elle sera ala khayr. Amma la fierté. Et kadhalik les mauvaises fréquentations. Ça éloigne al-mar'a min hadhihi al-umur. Pourquoi? Li'anna samida ash-shaytan. C'est pour ça que la femme qui reste dans son foyer, qui prend soin de son mari, qui a de la pudeur et qui fait des efforts dans son din, elle est à la khayr. Même si les autres, min al-kafara wa man ta'athara bihim, ils l'accusent d'être esclave, prisonnière, mar'a salihah la tubali. Elle sait qu'elle a été créée pour hada et son objectif, c'est le jannah. Amma hawla qui la critique, qui déteste din, qui combat din, qui combat hadhihi al-mar'a al-muslima, si mar'a ala hada al-hal, ils seront fi an-nar. Qu'est-ce qu'ils auront gagné? Voilà, chez. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri Allah la amartu al-mar'ata an tasjud li zawjiha walladhi nafsi Muhammadin bi yadihi la tuaddi al-mar'atu haqq rabbiha hatta tuaddi haqq zawjiha. Al-hadith hassanahu al-imam al-Albani rahimahullah. Pour montrer l'importance de l'obéissance au mari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour autre qu'Allah azza wa jal, j'aurais ordonné la femme à se prosterner devant son mari. Et pour montrer شأن هذا الزوج أي la place qu'il a. والذي نفس محمد بيده. Le professeur صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة لا تؤدي حق ربها. المرأة elle aura pas fait, elle aura pas accompli حقوق الله, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si elle donne le حق à son mari. هذه الأدلة qu'on a cité, ça montre l'importance de l'obéissance au mari. Et في الحقيقة, un couple qui donne de l'importance à هذا الباب, et chacun a sa place. Le mari, il a ses حقوق, la femme a ses حقوق. Le mari, il a des droits, la femme a des droits. كما تقدم معنا, le respect, et chacun a sa place. Wallahi, les choses, elles se passent très bien. Même quand il y a une épreuve, une mushkila, ça passe très vite. Amma, quand ces choses, elles sont déréglées, la femme, elle n'est plus à sa place. Et l'homme, il n'a plus cette menzila, cette responsabilité. Et dans certains couples, c'est l'extérieur qui dirige. La femme, elle est manipulée par un tel, elle ne donne plus aucune importance au mari. Les sentiments, ils rentrent, plutôt les passions, ils rentrent. Ah là, ça fait beaucoup de dégâts. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في رسالته النابعة دور المرأة في تربية الأسرة الطاعة التامة للزوج فيما لا معصية فيه لله عز وجل. Il a cité plusieurs points pour démontrer دور المرأة, la femme pieuse, et parmi ces points l'obéissance au mari. قال هذه الطاعة هي أساس الاستقرار. الأساس, c'est les bases. L'istiqrar, c'est quelque chose de posé, de stable. Enfin, la stabilité d'un couple, elle repose sur ta'atul zawj. Hadhihi al-mar'a, même si elle fait des efforts dans beaucoup de choses, wa la tuti' zawjaha. Même si elle lui obéit dans certaines choses, lakin dans certains points essentiels, importants, elle lui obéit pas, ça fera de l'attention. Limadha? Li'anna c'est min huquq az-zawj. Wa al-mar'a n'a pas le droit de désobéir. Bien sûr, tant que c'est une chose qu'elle peut faire, tant que ce n'est pas du haram, il a akhri. On ne va pas d'aïman répéter « هذه القيود ». Il y en a, wallah alhamd, on les a déjà cités kathiran. قال الشيخ الفوزان حفظه الله « هذه الطاعة هي أساس الاستقرار لأن القوامة للرجال الرجال قوامون على النساء فلا نتصور قوامة بدون الطاعة. » القوامة, tu peux traduire par responsabilité. C'est l'homme qui est responsable sur la femme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a élevé l'homme fi hada. Donc le mu'min, il doit accepter hada. Wa hadhihi al-qiwama, la shak que ça va impliquer at-ta'a, l'obéissance. Wa illa, si cet homme, celui le père de famille, le chef de famille, il a akhir et il a cette responsabilité azima et il n'est pas obéi, fa fil haqiqa, ça n'a pas de sens. Qala Cheikh al-Fawzan, والبيت مدرسة أو إدارة. تأمل هذا المثال ينكونكلي بهذا. البيت مدرسة أو إدارة. Il compare la maison, le foyer dans lequel ce couple y vit avec une école أو إدارة. الإدارة c'est l'administration أو une école. قال فلو أن مديرا في مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون لا يطيعونه هل يمكن أن يسير العمل؟ Une école أو dans une entreprise أو dans une administration, dans des bureaux مثلا, il y a دائما un responsable. Dans les entreprises il y a un chef, dans l'école il y a un directeur, لابد. Et موظفون c'est les employés. قال شغل بوزان فلو أن مديرا في مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون لا يطيعونه. Si ces employés, ils obéissent pas à un responsable, à un chef, à un directeur, هل يمكن أن يسير العمل? Est-ce que l'amal, il va avancer? L'école, les professeurs, ils vont pas venir à l'heure. Ils vont pas suivre le programme. L'entreprise, كذلك, ils vont pas venir à l'heure. Ils vont pas travailler avec les ordres du chef. الفوضى, l'anarchie. C'est pas possible. هذا, dans chaque institution, il y a d'aïman un responsable. Et on peut citer nous un exemple plus large. Et on est tous concernés, le gouverneur. Dans un pays, si le gouverneur, il n'est pas respecté, et personne ne lui obéit, ou une partie de la communauté ne lui obéit pas, c'est le fauta. Un gouverneur qui est respecté, obéi, alhamdoulillah. Le pays, il est fichayr. Même s'il y a des manques dans certaines choses, il y a la paix, la sécurité et la akhir. On revient à notre mas'ala. Qala fal bayt kadhalik. La maison, c'est la même chose. Inna ta'at az-zawj wajibun shar'i. Yuthab al-mar'a ala fi'li. Ay tutab al-mar'a ala fi'li. Na'am. La maison, c'est la même chose. Si l'homme, il est plus respecté et il est plus obéi, c'est le fawda. C'est le fawda. Dans des choses très simples, ça sera da'iman l'attention. Et da'iman des répétitions. Et da'iman des problèmes. Ou d'aïk sadr, les poitrines serrées, et le shaitan, il en profite. Khas satan quand il y a des enfants. Il y en a quand il y a des enfants, il y a des choses, il doit avoir des décisions toutes simples. Si l'amri il est fawda, le mari dit telle chose, la femme elle dit là. Et l'enfant il est au milieu, là, chaque que ça fera beaucoup de mal. Amma mar'atun aqila al-obéi. Khas, satan si son mari c'est un aqil, encore plus si il donne de l'importance au ilm, il a aqilé, falhamdulillah. Et le mari, la décision qu'il va prendre, bien sûr s'il est aqil, ça sera pour le bien de sa femme, pour le bien de ses enfants. Il a arrêté. Lakin al-shaytan y rentre kathiran fi hadha al-bab. Et fait croire à la femme telle chose, hatta l'obéit pas à son mari. Et ça pousse à la division. Hatta rubbama, ça pousse à la grande division, au divorce. Iyadun billah. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidahu Allah ta'ala, wal mar'atu tuthab ala fi'li. Et ça c'est important. Anna la femme, quand elle obéit, elle est récompensée. Ça montre que la femme, alhamdoulilah, elle ne doit pas prendre ça comme une corvée. Elle n'a pas de haq. Comme ils disent, a'da'u l'islam, wa ba'd al-muslimat, elles ont été touchées par elle. Anna, je ne suis pas une esclave, j'ai des droits, je suis libre, on est égaux. Tout ça, c'est min al-kalam al-fa'ir. Celle qui veut dar al-akhira, elle obéit ta'atan illa. Comme nous les hommes, on obéit au gouverneur. Est-ce qu'on est d'accord sur tout là? Il y a des choses... Rubama, t'es pas d'accord, il y a des choses, tu penses que c'est mieux de faire comme ça. Lakin, quand l'amri vient à l'amir, tu obéis. Sam'an wa ta'a. Tant que bien sûr, c'est pas une ma'asiyah. La femme, c'est la même chose. Elle sait qu'il y a des choses, elle peut penser que c'est kada wa kada. Lakin, si le mari l'a décidé, tant que c'est pas une ma'asiyah, elle doit obéir. Et ça n'empêche pas de se concilier, de se parler. Lakin, quand il faut prendre une décision, et Yahyana nous a remarqué, il faut prendre une décision. Que ça soit pour se déplacer, que ça soit pour voyager, que ça soit pour l'enfant, que ce soit des choses que les couples ils ont besoin, Fahiyad al-Hal, elle n'a pas le droit de refuser. Wa illa, elle est athima. Elle est athima, elle n'a pas donné le haq à son mari, et taqaddam ma'ana, anna, tant qu'elle ne donne pas le haq à son mari, elle ne donnera pas le haq à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas en sa faveur. Abadan. Qala, Sheikh al-Fawzan, hafidahullah, bel yajib ta'atu zawj. بل نجد طاعة الزوج مقدمة على عبادة النفل صحيح. Et ça c'est pour montrer كذلك l'importance de l'obéissance au mari. حتى العبادة. La femme si elle veut faire une عبادة, bien sûr نافلة. Et vous connaissez tous le hadith sur الصيام. أن المرأة لا pas le droit de faire un صيام نافلة. Et jeûner un jeûne recommandé comme le lundi et le jeudi ou أيام البيضة ou autre tant que c'est pas obligatoire. Elle a pas le droit tant que son mari donne pas l'accord. Ça montre en Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé l'homme et il lui a donné cette responsabilité à la femme. Si elle n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration recommandée sauf avec la permission de son mari, on a bel ou que le reste. Lakin kathir min an-nisa sont ghafilat an hada, et ça pousse beaucoup de problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala les hidayah lil jami'. Hada kalam Sheikh al-Fawzan intaha. Et on rajoute قول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Si la femme elle obéit, l'homme il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله سبحانه وتعالى أمرها فإن أطعنكم. Et si elles vous ont obéi, فلا تبغوا عليهن سبيلا. Et ne cherchez pas à leur faire du mal. لا لا يجوز هذا. وقال عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كذلك l'homme il doit être عاقل. عاقل et il n'impose pas à sa femme au-dessus de ses capacités. ولا يشدد عليها ويصبر. Et alhamdulillah, si c'est des عقلاء, l'homme il fera des efforts, la femme elle fera des efforts. Et يسألون من الله سبحانه وتعالى الثبات والسلام. هذا الذي أردنا. Une dernière mas'ala, baqiya shay min al-waqt. Naam, on finit avant l'adhan. Une mas'ala qu'on a oublié de citer par rapport au choix de la femme, az-zawaj ma'a munharifa bi hujjati annahu sayad'uha ila as-sunnah. Hada sa'ri. تقدم معنا ان la femme il faut faire attention par rapport à son din ila akhire. Fa ahyanan sa hada fi al-haqiqa c'est valable pour l'homme et la femme. أحيانا اللوم سا منحرف مثلا تكفيري خارجي أو لا فام فهل يجوز de prendre le risque de se marier avec prétexte de لكن je veux lui montrer السنة إلى آخره. قال الشيخ مقبل رحمه الله فأنصح كل أخت كما أنصح كل أخ أن يتحرى خصوصا النساء فإنهن ضعيفات. Cheikh Mokbir Rahimahullah, il conseille chaque frère et kadalik chaque sœur, et surtout les sœurs. Il y en a, les sœurs, elles ont des faiblesses. Obama se marie avec cet homme et elle ne peut plus rien lui dire. Il y en a, elle doit lui obéir, il a akhiri, elle faiblit et. Ta'lamoun da'af al-nisa. Cheikh Mokbir Rahimahullah, il conseille de faire attention. Qala fal mar'a wa'ifa rubama yuftinuha al-rajul. Wa naqul rubama bal qad hadath. Sahih. Cheikh Mokbir, il dit rubama, cet homme. Cette femme, elle le suit après dans tout. وَتَنْحَرِفْ مَعَهُ ثُمَّ il a cité l'histoire de Imran ibn Khitan. هذا من العلماء. Il a deux hadiths في البخاري. Même si ce n'est pas des usul, لكن il est cité في صحيح البخاري. Il rapporte عن عائشة رضي الله عنها deux hadiths. في لبس الحرير في كسر الصليب فيما أذكر. المهم هذا تزوج قال الشيخ مقبل ببنة عمه. هذا عمران بن حطان il voulait se marier avec la fille de son oncle, sa cousine. وقد تأثرت برأي الخوارج. Cette femme, elle avait des pensées de خوارج. عيادا بالله. فأراد أن يتزوجها من أجل أن ينقذها. أي il a voulu se marier pour lui montrer السنة et qu'elle délaisse هذا الفكر. Et كذلك parce qu'elle lui plaisait. لكن quand ils lui ont dit على هذا الفكر الآخر, il a il a cité comme prétexte annahu il va lui montrer ila akhirah. قال الشيخ مقبل بعد ذلك سحبته هي الى راي الخوارج. Après cela c'est lui, il est devenu Imran ibn Hittan min ru'us al khawarij hatta madaha qatil Ali radi Allahu anhu. Imran ibn Hittan il était معروف بالشعر, il était très fort en poésie et il a écrit des vers de poésie qui sont connus pour louer, complimenter celui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anha, al-Khalifatu al-Rashid, le mari de Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'a tué, il l'a vanté, il a écrit avec des vers de poésie alors qu'il était à la khair. Limadha li'annahu il s'est marié avec cette femme yadam billah. Fahdhar, fais attention, ne joue pas avec le feu. Comme minan nisa, pareil pour les femmes, comme min rijal. Alhamdulillah, l'insan, il prend quelqu'un qui est à la khayr et qui veut le khayr. Même si ce n'est pas un talib ilm, même s'il n'a pas beaucoup de connaissances, aham shay, il est à la fitra, et il aime sunna, il aime ahl al-ilm et il veut le khayr. Amma wahed qui a déjà des afkar, comme l'ikhwan, les muslimins, ou iyadun billah, al-rawafid, amma haoula, haoula c'est clair, c'est interdit. Ce n'est pas des muslimoun. Ou hakada al-khawarij, comme ce qui est propagé à notre époque, Daesh. Combien de sœurs elles se sont mariées avec un Daesh et un Khabir, et elles sont dans les problèmes. Elles sont dans les problèmes et elles regrettent. C'est pour ça que c'est important de faire passer din. Les mains d'Allah, c'est quoi qui pousse certains à se marier avec cet homme si c'est une femme, ou cette femme si c'est un homme? C'est la beauté. Ils sont attirés par cet homme ou par cette femme et ils ne font pas attention au reste. Là, ihdhar ad-din, c'est aham. Et le khayr, il est hasil. Alhamdulillah. Kalam Sheikh Mokbil, min charit, as'ilat nisa ta'iz. C'est des questions qu'il lui avait posées, rahmatullah alayhi. Naktafi bihada, subhanak l'homme hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.